Logé partout, mais enfermé nulle part. Telle est la devise du rêveur de demeure. Cette phrase se trouve dans La poétique de l'espace, un livre que le philosophe Gaston Bachelard publie en 1957. Comment la poétique de l'espace de la maison permet-elle d'interroger ce que signifie le fait d'habiter quelque part? Et comment la rêverie, si chère aux philosophes, peut-elle aider à mieux vivre dans un espace confiné? De la poésie créatrice du grenier à la coquille protectrice, des vertus des cabanes et des recoins ponctués par les bienfaits du grand air, et si l'isolation temporaire de l'espace social était nécessaire pour mieux s'ouvrir vers l'extérieur et s'engager dans le monde. Avec Gaston Bachelard, vous ne vivrez plus votre confinement comme avant. Dans le monde universel qui est animé par la radio, il y a une rêverie d'intimité. Et cette rêverie est très communicable. Elle est communicable pourquoi ? Eh bien, l'auditeur, il vous entend, mais il ne vous écoute plus. Vous lui avez donné précisément ce germe de rêverie. Vous lui avez donné cette rêverie salutaire. Vous l'avez mis dans la perspective, vous l'avez mis sur le chemin, vous le poussez derrière les épaules. Vous dites, va, va, au fond de toi-même. The house I built for the one I love is the envy of the street. With the newfound snow like a blanket, pure and sweet. Dans la maison, à l'intérieur de cette maison intime, cette maison que vous pouvez radiodiffuser, vous allez trouver ce que j'appelle le sens de la hutte. Le sens de la hutte. Bonjour Gilles Hieronymus. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue. Bonjour aux éditeurs. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie dans le secondaire, en classe préparatoire, et vous avez dirigé la nouvelle édition critique de La poétique de l'espace, le livre de Gaston Bachelard dont allons parler ce matin. C'était en mai 2020. Et vous êtes depuis chez vous, je crois, depuis votre maison. Vous êtes plutôt chaumière ou hutte, pour reprendre les expressions de Bachelard? Je suis plutôt alvéole bétonnée. J'aperçois un coin de ciel bleu par ma fenêtre. Bon, bah c'est toujours ça de prix. Merci d'être avec nous à distance en tout cas. La poétique de l'espace de Bachelard, je l'ai dit, est publiée en 1957. Et c'est, vous le dites hein, dans l'introduction à l'édition critique que vous avez publiée, c'est les 300 pages les plus lues et les plus citées de Bachelard. Tant ce texte regroupe tous les aspects de son œuvre, de la physique à la poésie, en passant par l'éthique, l'anthropologie, la psychologie ou encore la métaphysique. On trouve tout ça en 300 pages ? En effet, on trouve tout cela condensé avec force. Et en effet, Bachelard y engage d'une certaine manière l'ensemble de sa philosophie. Et je crois qu'il est intéressant de rappeler, pour ceux qui connaissent moins bien Bachelard ou qui ne connaissent pas Bachelard, qu'on pourrait en quelque sorte comparer déjà sa philosophie à une philosophie à deux versants, un peu comme le toit d'une maison, ou bien comme le Diogenes Bifron, situé au-dessus du porche des maisons romaines, avec un visage tourné vers le dehors, vers le monde physique, et un visage tourné vers l'intérieur, vers la maison et l'intimité. Et en effet, cette philosophie à deux versants comprend à la fois une philosophie des sciences qui s'est forgée au contact des sciences de son époque, ce qui va retentir considérablement sur le livre, hein, qui est marqué aussi par l'influence de la nouvelle physique et d'un nouveau rapport à l'espace. Et le second versant, ce sera celui d'une philosophie de la poésie qui est développée donc dans l'œuvre dite poétique de Bachelard, dont la poétique de l'espace constitue sans doute un fleuron. Oui, parce qu'il faut le dire, pour Bachelard, la philosophie n'arrive pas en premier. Il a une licence de mathématiques, il va travailler, il va ensuite se convertir, si j'ose dire, à la philosophie, mais dans un second temps. Absolument, absolument. Alors, sa biographie, sa biographie spatiale, en quelque sorte, peut avoir un certain intérêt, sa biographie spatiale et professionnelle, d'ailleurs. Et Bachelard est né en 1884 en Champagne, dans le petit village de Bar-sur-Aube, ce qui était un petit village à l'époque, hein, dans un pays magnifique, à ses yeux, un pays de ruisseaux et de rivières, comme il dit, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans une maison très, très modeste, où habitaient ses parents, qui a un père cordonnier et une mère qui tenait un dépôt de journaux. Et il habitera à Bar-sur-Aube jusqu'à l'âge de 43 ans après, suite à quoi il rejoindra Dijon, puis vers 56 ans, Paris. Et en fait, il s'éteindra à Paris, dans un appartement du 2 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, avant d'être à nouveau enterré au cimetière de Bar. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, il aura gravi en quelque sorte tous les échelons de la méritocratie républicaine, hein, répétiteur en collège, employé au PTT, manipulateur dans un central téléphonique. Il passe ensuite des licences de physique, de mathématiques et des certificats, l'agrégation de philosophie. Il soutient des thèses autour de 1927, des thèses de sciences physiques. Finalement, il connaîtra tous les honneurs, puisque à l'âge de 56 ans, il est professeur à la Sorbonne, à la chaire d'histoire et de philosophie des sciences, Légion d'honneur, Académie des sciences morales et politiques, etc., etc. Mais ça n'est pas tellement un homme de titre et d'honneur. C'est un homme d'abord qui a affronté l'adversité. Il a traversé entre-temps des épreuves redoutables. La Première Guerre mondiale, où il a connu l'enfer labyrinthique des tranchées et des plaines barbelées, une sorte de confinement à ciel ouvert. Hein. Il est décoré héroïquement, il obtient la Croix de guerre pour avoir réparé les lignes télégraphiques sous le feu de l'ennemi. Il aura connu aussi la perte précoce de son épouse et la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle va véritablement s'épanouir son œuvre poétique, avec les premiers ouvrages qui sont connus, « L'eau et les rêves » et « L'air et les songes ». Alors, ce qui est assez remarquable, au fond, la biographie compte assez peu, et Bachelard est peu prolixe sur sa vie. Oui. La description des maisons où il a vécu n'est pas si importante, même s'il nous fait, on va le voir, de très belles confidences intimes sur ces maisons. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que Bachelard ne s'est jamais laissé enfermer ni dans ses origines géographiques ou sociales, comme l'atteste son parcours, mais ni dans le statut finalement assez glorieux qu'il avait conquis dans la capitale. Et il est resté toute sa vie un peu nostalgique de sa Bourgogne natale, à laquelle il restera oniriquement fidèle. Et il lui reste aussi d'ailleurs linguistiquement fidèle, parce que les auditeurs ont pu entendre déjà son accent caractéristique. Il ne cherche pas, comme d'autres philosophes montés à la capitale, comme on disait, d'effacer son accent bourguignon pour s'intégrer à l'intelligentsia parisienne. Hein. Pas du tout. Il assume totalement sa voix chantante. Hein. C'est un peu une sorte, voilà, d'ovni, oui, d'objet bourguignon non identifié qui projette sa voix à la Sorbonne, sa voix chantante. Oui, et ça, c'est assez remarquable. Et en plus, j'ajoute à la biographie que vous venez de proposer son goût et sa pratique de la radio qu'il tenait comme un vecteur de rêverie essentiel, mais aussi un vecteur de réflexion philosophique. Alors, ne nous privons pas du plaisir d'écouter sa voix. On va l'écouter toute la semaine. Hein. C'est aussi le sens de cette semaine. Voici un extrait d'un entretien avec Paul Chavas. C'était sur la radiodiffusion française, diffusé le 13 février 1963, dans lequel Bachelard revient sur la poétique de l'espace. Ce livre, il veut montrer que l'espace a des qualités de refuge, des qualités de protection, où l'homme va non pas tant penser que rêver. Par conséquent, c'est un ouvrage qui est dans la ligne de tous ceux que j'ai faits sur la rêverie poétique. Ces ouvrages ont commencé par l'eau et les rêves, l'air et les songes, la terre et les rêveries de la volonté. Il faudrait donc qu'il y ait ici encore un sous-titre qui indique qu'il s'agit de la physique, de l'espace physique d'un rêveur. Vous voyez ? Et c'est pour cela qu'il faut considérer ce livre-là comme un livre de philosophie un peu fantaisiste, où on ne démontre rien et où on essaie de suggérer quelque bonheur de bien habiter sa maison. Mais ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes à la Malebranche qui nous parlent d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini. Car dans l'infini, on n'est pas chez soi. Le plaisir d'entendre la voix de Gaston Bachelard sur France Culture, les chemins de la philosophie, bah ça va être le cas tous les jours de cette semaine jusqu'à jeudi. Et ce matin, nous sommes en compagnie du professeur de philosophie Gilles Hieronymus. Je n'exagérais pas en début d'émission lorsque j'ai dit que Bachelard allait nous aider à mieux vivre notre confinement. Tant tout ce qu'on trouve dans ce texte de la poétique de l'espace, qui est vraiment un texte extraordinaire, je ne le dirai jamais assez, a un écho particulier avec la situation que nous sommes en train de vivre, Gilles Hieronymus. C'est pas à forcer le trait que de dire ça. Absolument, absolument. Bachelard soutient d'ailleurs que plus on enferme le psychisme et l'individu, plus on le dynamise. Ouais. Et c'est pourquoi il va trouver, ou il peut nous aider à trouver dans le confinement, des ressources insoupçonnées pour retrouver un dynamisme et un souffle. Ce qui apparaît bien dans l'extrait que nous venons d'entendre, c'est qu'au fond, ce qui intéresse Bachelard, ce n'est pas l'espace abstrait de la science ou des philosophes, ce n'est pas non plus l'espace fonctionnel de la construction ou de l'architecture. C'est un autre type d'espace, une autre espèce d'espace, qui est ce qu'il appelle finalement l'espace onirique. Mmh. L'espace onirique. Donc, ici, l'essentiel à retenir, c'est que nous habitons avant tout, pour Bachelard, un espace onirique. Il a cette très belle expression, qui est presque une sorte de théorème de rêverie de la maison, c'est qu'on habite oniriquement. On habite oniriquement. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Pour bien le comprendre, je crois qu'il faut déjà rappeler que Bachelard soutient le primat de l'imagination sur la raison et sur la perception. Il le dit très explicitement, on rêve avant de percevoir, et avant d'être un spectacle conscient, tout paysage est une expérience onirique. Eh bien, il en va de même de notre demeure. Avant de la percevoir, nous sommes en lien onirique, en quelque sorte, avec elle. Et habiter oniriquement, ce sera retrouver, en quelque sorte, cette rêverie primitive qui déforme la perception ordinaire et toute représentation rationnelle. Cette rêverie primitive, on la voit à l'œuvre, par exemple, dans les dessins d'enfants, qui représentent des maisons en mouvement, aux formes surprenantes, avec des déformations. Je précise Gilles Hieronymus, vous laisse continuer dans un instant, que je vous en prie. En effet, l'espace est d'abord onirique. Ça ne veut pas dire que pour Bachelard, l'aspect concret, l'aspect tangible et matériel de l'habitation est secondaire. Au contraire, parce que Bachelard est quand même celui qui va penser l'importance des éléments, qui va penser l'importance de la matière comme source de rêverie, précisément. Il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un philosophe abstrait qui pense que la maison rêvée est plus importante que la maison réelle. Oui, absolument, absolument. Et sur ce point, il faut peut-être préciser que finalement, nous oscillons sans cesse entre le réel et l'imaginaire, entre la maison réelle et la maison imaginée. Nous vivons dans une sorte de zone intermédiaire, où nous pouvons vivre dans une sorte de zone intermédiaire, qui est en fait celle de la rêverie. Et c'est une rêverie qui se nourrit justement d'un contact vivant, incarné, avec les éléments, et notamment avec les grands éléments naturels dont Bachelard a parlé dans ses ouvrages poétiques antérieurs, l'eau, l'air, la terre et le feu. Mmh. Alors qu'entendre par rêverie, il est important de le préciser, car la rêverie pour Bachelard, ça n'est ni le rêve, ni la rêvasserie, mais c'est une démarche à la fois active et passive, à travers laquelle nous nous rendons réceptifs, en quelque sorte, à l'esprit des lieux, de façon à pouvoir ensuite développer une rêverie personnelle. Et rêver chez soi permet, en somme, de mieux habiter. Rêver chez soi, ça n'est pas simplement rêvasser, laisser notre regard parcourir les objets, les pièces, les volumes. C'est se rendre véritablement réceptif à l'atmosphère de la maison et à ce qui émane même de chaque objet. Et enfin, cette rêverie poétique va se nourrir chez Bachelard des images proposées par les poètes qui justement retrouvent cet état de rêverie que les enfants connaissent bien, comme l'enfant qui rêve dans son coin ou sous un escalier. Et au contact des poètes et de toutes ces magnifiques images que Bachelard collecte, nous renouvelons notre sensibilité, notre manière d'habiter le monde. Voilà. Dans La poétique de l'espace, il va explorer à travers différents chapitres l'espace de la maison, de la cave au grenier, avec l'importance de la verticalité de la maison. Il va aussi ouvrir les tiroirs, les coffres, les armoires. Tout est très précis. Comparer la maison à un nid, à une coquille, à des recoins, et explorer ce qu'il appelle l'immensité intime. Je vous propose qu'on plonge, sans plus attendre, dans ce texte. Voici un premier extrait de ce qu'il appelle la maison cosmos. On le trouve dans le premier chapitre. Et c'est Vincent Schmitt qui le lit. La maison, dans la vie de l'homme, évince des contingences. Elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l'homme serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme. Elle est le premier monde de l'être humain. Avant d'être jeté au monde, comme le professent les métaphysiques rapides, l'homme est déposé dans le berceau de la maison. Et toujours en nos rêveries, la maison est un grand berceau. Une métaphysique concrète ne peut laisser de côté ce fait, ce simple fait. D'autant que ce fait est une valeur, une grande valeur à laquelle nous revenons dans nos rêveries. L'être est tout de suite une valeur. La vie commence bien, elle commence enfermée, protégée, toute tiède dans le giron de la maison. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. La maison est notre coin du monde, dit Bachelard. Elle est notre premier univers. Elle est vraiment un cosmos. On peut commencer avec cette image, Gilles Hieronymus. La maison, c'est notre coin du monde. Ça veut dire déjà, un, que c'est un coin. C'est pas un espace immense, c'est un coin, c'est comme un recoin, c'est quelque chose de petit. Et c'est en lien direct avec notre manière d'être au monde. Oui, alors cette maison est en fait une maison onirique. On habite oniriquement et on habite avant tout dans une maison onirique qui, dit Bachelard, est en nous autant que nous sommes en elle. Et cette maison est avant tout un espace de protection, de bien-être, où l'être se sent sécurisé, étayé, et où il peut précisément s'adonner à la rêverie, et entrer dans cette espèce de contact onirique avec sa propre demeure que Bachelard cherche à cultiver. Donc qu'est-ce que c'est que cette maison onirique, ce lieu de bien-être, ce giron ? C'est d'abord une sorte de condensation de notre histoire avec les maisons, en un premier sens, puisque nous avons tous une histoire avec la maison ou avec les maisons, avec la maison bien sûr, ou l'appartement où nous vivons actuellement, la maison réelle, une histoire aussi avec les maisons où nous aimerions vivre, une histoire au futur. Mais ces deux maisons n'intéressent pas véritablement Bachelard, en tout cas ça n'est pas l'essentiel, car l'enjeu n'est pas de décrire la maison où nous vivons ou de faire les plans rationnels de la maison où on aimerait vivre ou du réaménagement, quel qu'il soit, de notre salon, de notre cuisine, peu importe. L'enjeu, c'est plutôt d'aller vivre et d'aller retrouver l'onirisme dans les maisons du passé. Dans les maisons du passé, qui sont une source de rêverie extrêmement puissante. Et la principale maison du passé, c'est la maison natale. Celle où, précisément, enfant, nous avons rêvé. Nous avons le plus souvent rêvé dans notre chambre ou dans un coin de notre chambre, parfois dans un placard, un dessous d'escalier, un coin ou un recoin. Et c'est cet état de rêverie d'enfance qu'il s'agit, pour ainsi dire, de retrouver. Et cette maison natale, Bachelard l'évoque quelquefois, mais de façon toujours très très discrète, et il ne la décrit jamais, car il ne veut pas décrire, ça stériliserait la rêverie. Il évoque davantage un climat, une ambiance, une atmosphère. La psychanalyse du feu, un de ses premiers ouvrages poétiques, décrit bien, sous le signe du feu, l'atmosphère qui régnait dans cette maison. Le feu de cheminée, le père de Bachelard maniant le tisonnier et s'occupant du bois, la famille confectionnant des brûlots avec du marc de raisin, toute une ambiance de bien-être et de sécurité. Et c'est ça qui compte, c'est de montrer à quel point cette maison onirique, protectrice, est bienfaitrice pour nous. Et il va falloir retrouver cette maison natale pour rêver comme nous rêvions enfants et retrouver une sorte de bonheur élémentaire d'habiter. La maison natale est physiquement inscrite en nous, écrit Bachelard. Elle est un groupe d'habitudes organiques. À 20 ans d'intervalle, malgré tous les escaliers anonymes, nous retrouverions les réflexes du premier escalier. Nous ne buterions pas sur telle marche un peu haute. Tout l'être de la maison se déploierait, fidèle à notre être. Nous pousserions la porte qui grince du même geste. Nous irions sans lumière dans le lointain grenier. Mais la maison natale est plus qu'un corps de logis, elle est un corps de songe. C'est vraiment bouleversant de lire ces lignes-là sous la plume de Gaston Bachelard, tellement, vous l'avez bien dit, Gilles Hieronymus, on peut immédiatement s'identifier à ce qu'il décrit parce qu'il est à la fois très précis dans les gestes et dans les sentiments, les émotions, les réflexions que ces gestes suscitent et en même temps suffisamment large pour que chacun puisse y mettre ses propres souvenirs. Oui, alors cet extrait montre bien à quel point l'imagination bachelardienne et la rêverie de la maison est incarnée. L'imagination, pour Bachelard, est véritablement incarnée. Elle plonge ses racines dans nos organes, comme il le dit lui-même, dans notre motricité, dans nos muscles. Et les images sont en quelque sorte inscrites dans notre corps. Et il en va ainsi de la maison natale, qui est inscrite dans notre corps, de telle sorte qu'on pourrait d'ailleurs presque tous se comparer à des escargots qui portent leur maison sur le dos. Hein, donc dans cette demeure onirique, on doit pouvoir retrouver une sorte de joie d'habiter, comme le dit Bachelard selon une très très belle formule. Oui, donc ça veut dire que cette maison onirique n'est pas simplement la maison que nous souhaitons, ça veut dire que c'est aussi le résultat de toutes les maisons que nous avons habitées, et qu'au fond, dans le fait d'être quelque part, d'être dans une maison, par exemple, ne dépend pas simplement des conditions d'existence au sein de cette maison, mais aussi de ce que le fait d'habiter ailleurs avant a laissé comme trace sur notre propre corps et sur notre propre esprit. Au fond, c'est ça, nous habitons aujourd'hui, la manière que nous avons d'habiter aujourd'hui est le résultat d'expériences passées qui se sont accumulées au cours du temps. En effet, c'est comme la sédimentation d'une histoire, et Bachelard rappelle que l'enfant qui monte et descend l'escalier pour aller de la cave au grenier, puisque la maison onirique pour Bachelard doit avoir une cave et un grenier, eh bien l'enfant qui parcourt cet escalier, qui fait, comme il dit joliment, ses gammes de montée et ses gammes de descente, eh bien le rêveur peut en quelque sorte le retrouver. Nous pouvons, en quelque sorte, en imagination, remonter l'escalier qui monte au grenier, descendre l'escalier qui va jusqu'à la cave, et nous avons même enregistré les petites nuances comme une marche trop haute sur laquelle on aurait pu trébucher, mais que au-dessus de laquelle nous bondissions. De façon analogue, comme il le dit, la moindre des clanchettes, une pièce de serrure et des poignées de porte est entre nos mains. Nous avons gardé donc à la fois le souvenir corporel des montées et des descentes au sein de la maison, et aussi le souvenir corporel des entrées et des sorties. Chaque porte est encore présente dans notre âme par l'imagination. Chaque marche est encore présente par l'imagination. Il faut bien garder en tête que pour Bachelard, et là c'est un point, disons, qui permet de l'inscrire dans l'histoire de la philosophie en général, que pour lui l'espace n'est jamais un lieu qui existe en soi. C'est pas un donné dans lequel le corps vient s'insérer. C'est pas un espèce de contenant objectif des éléments qui se déplacent, mais c'est toujours une construction. Il dit, on ne trouve pas l'espace, il faut toujours le construire. Ça, on le trouve dans l'expérience de l'espace dans la physique contemporaine. Et cette dimension scientifique là, ben on la trouve aussi dans ce texte. Et c'est pour ça que vous insistiez en début d'émission en disant que chez Bachelard, il y a les deux. Il y a le philosophe des sciences et puis il y a le philosophe plus onirique. Et finalement, dans la poétique de l'espace, on trouve la rencontre entre les deux. Ça montre bien qu'il y a pas de coupure entre, d'un côté, son postulat philosophique très fort sur l'espace toujours à construire, et de l'autre, la manière qu'il a d'investir ce qu'il appelle la poétique de l'espace dans ce texte. Oui, absolument. C'est assez subtil en réalité, la façon dont s'articulent la science et la poésie chez Bachelard, puisque d'un côté, pour pouvoir rêver et habiter oniriquement, eh bien, nous ne devons pas rationaliser. Nous devons mettre en quelque sorte hors circuit la raison. Si je commence à imaginer le plan de ma maison, je ne vais pas rêver à proprement parler. Donc il faut maintenir une forme de séparation et s'adonner à la rêverie sans trop réfléchir. Toutefois, il y a bien, comme vous le pointez, un lien ou des liens essentiels, et la réflexion poétique de Bachelard sur l'espace s'inspire en fait très fortement du travail qu'il a conduit sur la nouvelle physique dans ses ouvrages d'épistémologie. En effet, la nouvelle physique relativise la conception classique de l'espace, qui est celle d'un espace euclidien en trois dimensions, qui ressemble à une sorte de grand contenant statique, où les choses seraient déposées bien à leur place. C'est le cas de la théorie de la relativité, qui montre que l'espace se déforme, hein, en parlant d'un espace-temps dynamique. C'est aussi le cas de la physique quantique, dans laquelle les choses ne sont plus localisables. Donc la nouvelle physique a mis au jour une sorte d'espace dynamique que la science construit. Eh bien, l'espace onirique est également, d'une certaine façon, un espace dynamique. C'est tout à fait essentiel, un espace dynamique, donc un espace qui se transforme en permanence, et donc aussi un espace ouvert qui n'est jamais fermé. C'est un espace qui est toujours surprenant. Alors, dynamisme, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que c'est un espace qui est habité en quelque sorte par des tensions vivantes, des tensions vécues, dont chacun peut faire l'expérience. Tensions, par exemple, entre la nécessité de se projeter au dehors sans pour autant s'y disperser, entre la nécessité de retrouver une intimité sans non plus se couper complètement de l'extériorité, et toutes ces tensions, le haut, le bas, le dedans, le dehors, le passage de l'un à l'autre, traversent toujours l'espace onirique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la fameuse maison onirique de Bachelard est construite de façon verticale. Elle s'organise en hauteur, avec nécessairement une cave, un rez-de-chaussée et un grenier. La cave, c'est la dimension cachée, celle de l'inconscient et de l'imaginaire, en lien avec la terre, avec l'élément terre. Alors que le grenier, c'est aussi un espace de rêverie et c'est la zone des projets clairs en contact avec le ciel. Et cette verticalité deviendra chez Bachelard un axe tout à fait essentiel. Après, j'ai fait un chapitre qui m'a causé beaucoup de peine, qui m'a demandé beaucoup de lecture, c'est la coquille. La coquille, vous voyez, alors c'est un espace très défendu, mais c'est un espace à l'ordre de peau. Un petit Bernard l'ermite sillonne la plage. Les crustacés de son espèce vivent dans des coquilles abandonnées. Ils doivent en changer à mesure qu'ils grandissent. Mais il est difficile d'en trouver une à la bonne taille. Les coquilles vides sont si rares sur cette plage que les Bernard l'ermite affluent dès qu'ils en repèrent une. Tous les arrivants sont à la recherche d'une coquille plus grande. Sous ce fort soleil tropical, un Bernard l'ermite ne peut pas survivre longtemps sans coquille. Sommes-nous tous des Bernard l'ermite qui s'ignorent ? En tout cas, au chapitre 5 de la poétique de l'espace, Gaston Bachelard parle de la coquille. Et il dit la devise du mollusque serait alors « Il faut vivre pour bâtir sa maison et non bâtir sa maison pour y vivre ». En quoi le mollusque a-t-il des choses à nous apprendre quant à notre manière d'habiter un endroit, Gilles Hieronymus ? Eh bien, déjà, le mollusque a une première vertu, c'est la lenteur et la patience, qui sont sans doute indispensables à la rêverie. Ce qu'il a à nous apprendre aussi, ce mollusque, au-delà de cette lenteur et de cette patience, c'est peut-être l'art de bâtir, l'art de construire. D'une certaine façon, nous devons bâtir et construire notre maison onirique par une démarche active, mais toujours lente et patiente. Et Bachelard rappelle à différentes reprises que l'escargot sécrète patiemment sa coquille, qui devient une sorte d'habitat parfaitement ajusté à son corps. Il exprime ailleurs un dilemme un peu plus compliqué, qu'il appelle le dilemme du domicile primordial. Faut-il sécréter sa coquille ou bien la forer, hein. Donc le mollusque, c'est un peu tout ça. Il y a un art d'habiter chez le mollusque. Mais est-ce que ça veut dire que la coquille, enfin le rapport entre le mollusque et sa coquille est identique au rapport que nous entretenons avec notre maison, puisque Bachelard insiste beaucoup sur l'importance des recoins, des petits espaces, comme si plus l'endroit était clos, plus l'individu pouvait s'échapper par la rêverie et plus il était propice à une espèce de d'élan créateur. Est-ce qu'il faut le comprendre comme ça, qu'au fond la coquille serait l'habitat rêvé parce que petit, exactement à la fois à notre image et en même temps ayant des vertus protectrices? Oui, il a des vertus protectrices et c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de refuge sur le plan psychique, puisque nous isolons en quelque sorte du monde en rentrant dans notre coquille, tout en entendant peut-être encore sa rumeur, parce qu'on ne se coupe jamais du monde chez Bachelard. Mais effectivement, on y trouve refuge et on y trouve ce qu'il appelle ailleurs les joies de l'enroulement sur soi, qui sont cette fois des joies physiques, des joies corporelles que l'on peut expérimenter chez soi, la joie de l'enroulement, de l'involution. Et effectivement, la coquille est un espace privilégié pour cela. Mais il faut rappeler aussi que la coquille, c'est aussi, comme tous les espaces où nous nous réfugions et où nous nous ressourçons, un lieu où finalement nous préméditons nos sorties, autrement dit notre action au dehors, et ce que nous allons faire dans le monde réel. Il évoque quelque part l'image dynamique d'un chien qui bondirait hors de sa coquille. Et il signale que plus l'espace est comprimé, plus la rêverie encoquillée en quelque sorte est longue, plus la sortie sera explosive, énergique et dynamique. Donc la coquille, oui, c'est un lieu de repli et de protection, de rêverie, mais c'est encore une fois le lieu où se préméditent nos actions. De même que Bachelard ne coupe jamais la rêverie du corps, il ne coupe jamais la rêverie et de l'action. C'est assez contre-intuitif, puisque nous pensons généralement que lorsque nous nous adonnons à la rêverie, eh bien, nous n'agissons pas. Mais en réalité, la rêverie, pour Bachelard, est aussi essentielle à la maturation de nos actions. Un très beau texte qui s'appelle « L'espace onirique » montre comment tout espace, l'espace onirique en tout cas, pardon, plutôt, tout espace est dynamisé, finalement, par une logique de concentration et d'expansion. Alors, la concentration, elle serait figurée dans nos rêves par l'image de la chrysalide, hein, qui pourrait ici être voisine de celle de la coquille ou encore du nid, dont Bachelard parle également, alors que l'expansion est figurée par l'image de la flèche. Donc, se développe finalement au sein de la coquille à la fois ce que Bachelard appelle les rêveries du repos, et ce qu'il appelle les rêveries de la volonté, d'une volonté agissante qui mobilise au service justement de l'action des ressources imaginaires profondes. Alors avant d'en arriver à la, pas la querelle, mais le malentendu qu'il y a eu entre Gaston Bachelard et Albert Flocon, on va y venir parce que c'est très emblématique des malentendus justement que peuvent susciter ce texte. Bien voici un autre extrait de Bachelard, alors la voix de Bachelard après la coquille, c'est l'armoire. Je suis venu, si vous voulez, à des espaces plus petits, mais qui sont valorisés. Alors les armoires, vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme poésie d'armoire. Maintenant, évidemment, le mobilier américain qu'on nous présente ne correspond pas à cette poésie que je voudrais défendre. Toute une armoire, il faut qu'elle soit vieille. Il faut qu'elle soit ancienne, il faut qu'elle soit en bois, en chêne, enfin, qu'elle ne soit pas d'hier. C'est ça, une part de mystère. Mystère. De souvenir. Ou puis des cachotteries. Il n'y a pas de mystère sans cachotterie, n'est-ce pas? Le mystère et les cachotteries, le rire de Bachelard à la radio, il y a quand même quelque chose de sa personnalité qui transparaît ici, Julie Hieronymus, et qu'on entend ensuite quand on lit ce texte. On sent le plaisir qu'il a à parler, non seulement à la radio, la gourmandise qu'il a à décrire son travail, et puis l'humour ou le caractère même coquin de sa personnalité qui rend son texte extrêmement vivant. C'est pas secondaire que de dire ça non plus. Oui, c'est tout à fait révélateur de ce que Bachelard lui-même appelle la joie d'habiter. C'est ça. Et cette joie d'habiter ne va pas sans un certain humour. Elle ne va pas sans un certain humour qu'on entend jusque dans son ton. Ici, Bachelard nous parle de l'armoire. Il a évoqué la maison humaine et il évoque désormais l'intérieur de la maison, donc notamment les tiroirs, les coffres et donc les armoires. Donc l'armoire, pour lui, est effectivement une sorte de support de rêverie. Hein. C'est un support de rêverie et ça doit être une armoire ancienne, une armoire en bois. Parce que le bois est un élément fondamental, ses nervures, ses nœuds nous donnent à rêver. Hein. On a envie de le toucher, de toucher l'armoire, de la caresser, de l'ouvrir, de la fermer. Et il donne de nombreux exemples de rêveries où nous découvrons au cœur des meubles, notamment des armoires, toute une dimension d'immensité. Ainsi, chez un poète dont le nom m'échappe là tout de suite... C'est pas grave, dites-nous, on ira le chercher après. Peu importe, oui. Le rêveur qui ouvre l'armoire et y voit des linges blancs, des draps blancs bien pliés, est immédiatement confronté à une expérience presque cosmique, puisque ceci éveille chez lui le souvenir de la lune des nuits d'octobre qui se projette sur le pré. Et du coup, lorsqu'ouvrir une armoire, c'est véritablement ouvrir un monde. L'armoire est comme la maison, elle est un monde. D'ailleurs, c'est la maison des choses. Hein. Autant la coquille et le nid étaient des maisons animales, que Bachelard étudie dans la poétique de la rêverie, autant les tiroirs, les armoires, les coffres sont, cette fois, la maison des choses. Mais ces choses-là, bien sûr, parce qu'elles mobilisent notre rêverie, nous reconduisent aussi à nous-mêmes, à nos souvenirs, à notre enfance, aussi bien qu'au monde, ici, le souvenir des nuits d'octobre. Alors, que s'est-il passé avec le graveur Albert Flocon, qui est un artiste qui avait demandé à Bachelard de publier certains de ses textes pour son exposition? Bachelard a refusé, mais il a écrit un texte pour Flocon. Et ensuite, alors jusque-là, tout allait à peu près bien, mais ensuite, Bachelard lui a demandé de faire des dessins, je crois, ou une gravure d'un ermitage de philosophe dans la nature. Et là, ce qu'a proposé Flocon n'allait pas du tout avec ce que Bachelard avait en tête. En quoi ce malentendu est-il emblématique de la réception de Bachelard, Gilles Hieronymus? Eh bien, pour comme entrer en matière, je souhaiterais lire un texte, justement, qui résume la commande qu'avait passée Gaston Bachelard à son ami Flocon. Il lui avait en effet commandé une demeure. « Je voulais pour moi seul la demeure du Vallon près de la forêt, au bord du ruisseau, à la fois dans le ciel bleu et tout de même enraciné dans la terre profonde. J'ai dit à mon ami que j'aimais la pierre pour les murs, mais que je voulais du bois sous les pieds et du bois au plafond. Je lui ai dit qu'à travers mon réduit, non loin du foyer, je voulais voir la poutre, une poutre au cœur de chêne qui brise tout de suite la terrière du verre, la poutre avec son signe énorme de protection, la poutre qui tient le grenier, la poutre qui s'incurve un peu, très peu pour confesser doucement que la maison est vieille. Il me fallait aussi une fenêtre étroite, car plus petite est la fenêtre, et plus cet œil de la maison voit loin, voit bien. » Donc cette commande est emblématique à la fois de la façon dont Bachelard conçoit la maison onirique et emblématique aussi de ce qui constitue pour lui la demeure rêvée. Mm-hmm. On y trouve à la fois l'ancrage vers les profondeurs, puisque cette maison est enracinée dans la terre profonde, mais elle est aussi au bord du ruisseau, dans le ciel bleu. Donc elle est toujours entre terre et ciel et animée par cette espèce de tension entre la hauteur et la profondeur, entre le ciel et la terre. En outre, les matériaux ici sont essentiels, puisque Bachelard veut du bois sous les pieds et au plafond. Il veut un bois terrestre et un bois aérien pour l'encadrer, en quelque sorte. Il veut une poutre au cœur de chêne, et le cœur de chêne est pour lui d'ailleurs un thème de méditation constant, parce que un panneau de chêne, comme il le montre dans La Terre et les rêveries de la volonté, avec ses ventres et ses nœuds, c'est une sorte de dessin d'énergie qui nous galvanise et qui nous enseigne aussi une sorte de dureté, hein, une sorte de dureté et de capacité à affronter l'adversité. Le chêne, c'est aussi un arbre qui se tient lui-même entre terre et ciel, hein, et qui plonge ses racines dans la terre et jette ses pronostics vers le ciel. Et donc ici, il a un rôle véritablement structurant. Il demande une fenêtre étroite qui donne sur le dehors. Donc on retrouve aussi là, cette fois, la polarité dedans-dehors. Mm-hmm. Et la maison onirique est toujours encore une fois animée par ces tensions, haut-bas, dedans-dehors. C'est l'épreuve des tensions vivantes entre ces pôles ou entre ces orientations. Alors là, Bachelard, hélas, va être extrêmement déçu. Il va être extrêmement déçu parce que Flocon lui bâtit finalement une cellule de géométrie ou d'architecte. Et si l'on regarde la planche de Flocon, effet, c'est très épuré et très géométrique. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Flocon va le dire lui-même. Il va dire, mais il m'avait demandé un ermitage de philosophe dans la nature. Et j'ai essayé, mais il a trouvé que je lui avais fait un bureau d'architecte. J'ai fait un autre ermitage, mais cette fois, c'était un atelier de géomètre. Sur quoi Bachelard m'a dit que, décidément, je n'étais pas le graveur des chaumières. Oui. D'ailleurs, il dit bien que le Flocon a négligé aussi le travail du bois, hein, qu'il n'a pas finalement le sens du bois et le sens du chêne. Donc Bachelard lui-même avait une table de travail en bois. Et d'ailleurs, on pourrait évoquer ici son espace de travail, qui est en fait une sorte de cosmos, parce qu'il a sa table en bois qu'il appelle sa table d'existence, mais il a aussi une lampe, et cette lampe à la fois est semblable à un petit soleil qui éclaire la table, et en même temps elle projette sur le sol une sorte de disque ou de sphère qui pourrait faire penser à la lune. Mm-hmm. Et de telle sorte qu'on peut s'imaginer Bachelard à sa table de travail en bois avec une main tenant la plume, l'autre main posée sur le bois, et dans cet espace à la fois carré, la table est rond, c'est presque la quadrature du cercle, hein, une synthèse de la géométrie avec la forme carré de la table et de la rondeur protectrice avec la forme de la lampe. Et il y a aussi ces choses, il a sa plume et son encrier. La plume, c'est le ciel, l'oiseau. L'encrier, c'est davantage la noirceur, la profondeur et la terre. Hein. Et les objets, c'est ce qu'il appelle son chausier, en fait, sont également animés et ils appartiennent vraiment de plein droit à la maison onirique. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, la maison est véritablement habité jusque dans ces objets, hein. Et pour bien habiter, il faut rendre leur part d'onirisme aux objets, et peut-être que pour bien travailler, il faut aussi choisir, élire les objets qui vont nous soutenir dans notre travail, dans notre espace de travail et dans notre manière d'habiter. Mais de quoi ce malentendu est-il le révélateur, Gilles Hieronymus? Est-ce que parce que Flocon se trompe sur ce qu'est un philosophe ou sur ce qu'est Bachelard, et que finalement il confond la maison onirique et la maison réelle? Alors la source du malentendu, c'est la confusion, je crois, entre l'espace géométrique pour lequel Flocon éprouve un fort tropisme et le véritable espace, l'espace onirique, qui dépasse ou transcende les formes géométriques ordinaires. Ce que Bachelard appelle quelque part les géométries utilitaires. Finalement, la maison de Flocon, ce cabinet d'architecte. Il est beau, mais il est beaucoup trop statique, beaucoup trop lumineux pour véritablement donner à rêver. Il est trop géométrisé. Il lui manque à la fois de cette part d'obscurité. Il parlait des cachotteries de l'armoire tout à l'heure. Cette part d'obscurité et qui est essentielle à la rêverie. J'étais donc magnifiquement seule quand je fus repris à l'improviste par cette vieille passion. Il faut que tu le saches, ce fut sans doute la plus grande passion de mon enfance et aussi mon premier contact avec la musique, car notre pianino tombait sous ma juridiction d'épousteur, étant un des rares objets qui se prêtait de bon gré à cette opération et ne manifestait point d'ennui. Sous le zèle du torchon, au contraire, il se mettait soudain à ronronner métalliquement, et son beau noir profond se faisait de plus en plus beau. Que n'a-t-on connu lorsqu'on a vécu cela ? Fier déjà, rien que de l'indispensable costume, le grand tablier, et aussi les petits gants lavables en peau de Suède pour protéger ses délicates mains, on avait une politesse teintée d'espièglerie, pour répondre à l'amitié des choses si heureuses d'être bien traitées, si soigneusement reposées. Et de même aujourd'hui, je dois te l'avouer, tandis que tout se faisait clair autour de moi et que l'immense surface noire de ma table de travail que tout regarde alentour prenait, en quelque sorte, une nouvelle conscience du volume de la pièce, en le réfléchissant de mieux en mieux, gris clair, presque cubique, oui, je me sentais émue. Comme s'il se passait là quelque chose, non pas seulement de superficiel, à vrai dire, mais quelque chose de grandiose qui s'adressait à l'âme. Un empereur lavant les pieds de vieilles gens, la vaisselle de son couvent. Et oui, il faut le dire, Gilles Hieronymus, on trouve dans la poétique de l'espace des pages qui vous réconcilieront avec le ménage. Je viens de lire un texte de Rilke, une des lettres à une musicienne, hein, que cite Gaston Bachelard dans la poétique de l'espace. Rilke qui raconte ici sa passion pour le nettoyage de son pianino et la façon qu'a cet objet, enfin ce piano, ce pianino, mais aussi les autres objets qui sous le zèle du torchon semblent prendre vie et être de plus en plus beaux. C'est quelque chose qui est en écho direct avec les lignes que Bachelard consacre au ménage et qui montre comment le ménage est une manière de, non seulement d'augmenter la dignité humaine de l'objet, mais aussi d'inscrire l'objet dans l'état civil de la maison humaine. Ce sont des lignes extraordinaires, Gilles Hieronymus. Oui, le soin des choses, le soin des objets qui habitent la maison, car ces objets habitent véritablement la maison, est oniriquement essentiel. Et ce qui est extraordinaire avec Bachelard, c'est qu'au fond, il nous invite, notamment à travers le soin ménager, à travers le ménage, à retrouver l'onirisme au cœur des gestes les plus quotidiens. Alors tout le monde n'époussette pas tous les jours un pianino dans son salon. Je vous le confirme. Mais néanmoins, par exemple, frotter simplement une belle armoire, une armoire en bois, et la faire rayonner dans la pièce, c'est à la fois rendre honneur à cet objet, en exalter la beauté, et le faire rayonner au sein même de la demeure. Et c'est un geste qui est en plus extrêmement incarné, puisqu'il implique de prendre un chiffon, de frotter, et de sentir dans sa main, dans son bras, dans son corps, peut-être dans son cœur aussi, la résistance du bois. Hein. C'est aussi un rêveur de la résistance, Bachelard. Donc quand on frotte, ça n'est pas seulement une caresse, ça peut aussi être un geste énergique, un geste finalement somme toute très complet. Et d'ailleurs il est oniriquement complet parce qu'il fait alterner la caresse et puis des mouvements un peu plus dynamiques, hein, puisque chez Bachelard la rêverie est toujours polarisée entre rêverie du repos lente et apaisée et des rêveries plus énergiques. Donc effectivement, balayer énergiquement, nettoyer une armoire, ça fait du bien, et ça fait du bien physiquement, psychiquement et oniriquement aussi. Alors bien sûr, on pourra objecter à Bachelard que lorsqu'il dit cela, alors certes, il est dans un texte de philosophie, il accorde beaucoup d'importance à la maison onirique, mais il se détache de toute forme de conditions d'existence qui peuvent rendre ses travaux extrêmement laborieux. Il faut quand même le dire, la plupart du temps, faire son ménage n'est pas une partie de plaisir. Oui, oui. Alors, en effet, c'est une contrainte, ça n'est pas une partie de plaisir. Maintenant, il peut s'agir tout d'abord d'une sorte de rêverie éveillée et de ménage imaginaire. Hein. Mmh. Alors, certains pourraient peut-être penser que c'est une double peine, faire déjà le ménage chez soi et ensuite imaginer. En rêver, oui. Mais bon, en tout cas, Bachelard, lui, trouve une joie dans les images du soin ménager. Et en le lisant, nous éprouvons aussi une forme de bien-être. Et je pense que si on intègre cette espèce d'onirisme du soin ménager, peut-être que justement, l'ingratitude des tâches ménagères quotidiennes sera un petit peu moins sensible. Et je crois qu'il faudrait ajouter ici que finalement Bachelard nous invite à retrouver l'onirisme dans tous les gestes du quotidien, parce que vous parlez du ménage, mais on pourrait aussi éventuellement parler aussi du bricolage ou encore de la cuisine, qui sont aussi des activités oniriquement essentielles pour Bachelard et qui méritent qu'on les rende à leur part de rêve et qu'on les arrache à la monotonie de nos habitudes. Au fond, de routine. Oui, le point commun dans ces activités, c'est un certain rapport à la matière, au fond. C'est que l'habitat, aussi onirique soit-il, passe aussi par une sorte de transformation, voire de recréation de la matière. Il le dit, hein, il y a quelle grande vie si dans la maison, chaque matin, tous les objets pouvaient être refaits de nos mains, sortir de nos mains. Habiter quelque part, c'est aussi être le créateur de l'espace dans lequel nous vivons. Oui. Et Bachelard compare celui qui soigne son intérieur à une sorte de démiurge au sens platonicien, sauf que chez Platon, le démiurge crée l'univers à partir d'une matière primordiale, donc tout ça est grandiose, hein. C'est l'espace des philosophes dont Bachelard parlait tout au début, c'est beaucoup trop grand l'espace du démiurge. Dans l'infini, on n'est pas chez soi. Ici, le rêveur recrée sa propre maison, il recrée le monde simplement avec un meuble, Et une peau de chamois. Ça donne très envie de s'y plonger, en tout cas, Gilles Hieronymus. Et je conseille aux auditeurs de le faire en lisant la nouvelle édition critique de La Poétique de l'espace que vous avez fait paraître en mai 2020. Qu'est-ce que cette nouvelle édition apporte aux anciennes, très rapidement ? Eh bien, elle apporte, en plus d'un texte modernisé, tout un appareil critique qui est absolument inédit et qui vise, de façon assez didactique, à accompagner le lecteur. Donc avec une présentation, une table analytique, des notes explicatives, une bibliographie et un index. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un appareil. Ce qui reste essentiel, c'est ce texte magnifique qui est à découvrir. Et c'est sorti aussi cette année, je crois, le Nouvel Esprit Scientifique, hein, c'est ça, avec un appareil critique de Vincent Bontemps, qui sera notre invité jeudi prochain, je crois. Ce sont des livres disponibles au PUF, et je le dis et je vous l'assure, chers auditeurs, ce sont des livres accessibles. En tout cas, La Poétique de l'espace, vous pouvez le lire, quel que soit votre niveau de formation en philosophie, et même s'il n'y en a pas, s'il est inexistant, c'est un texte dans lequel je vous recommande de plonger. On va se quitter avec une chanson qui est votre recommandation, qui est en lien avec le sujet du jour, Gilles Hieronymus. C'est Le Ciment de Mathieu Bogart. Pourquoi cette chanson? Parce que j'aime sa musicalité, que j'aime la candeur et la naïveté, presque la sincérité de Mathieu Bogart, et la façon dont il construit patiemment, au détour du refrain, cette maison rêvée qu'il désire secrètement. Merci Gilles Hieronymus, et à bientôt en studio, j'espère. Merci Adèle Vendrette. Le ciment, je l'attends, le ciment pour la maison. J'ai la main, j'ai le plan, les parpaings, c'est peut-être pour maintenant. Culture, les chemins de la philosophie de Mathieu Bogart à Aurélien Bélanger qui nous retrouve comme chaque matin pour sa question philo. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle. Fidèle à ce que dit Bachelard, vous êtes dans votre coquille chez vous et vous vous posez une question, celle du jour est la suivante. Les philosophes savent-ils compter ? Alors un grand philosophe contemporain d'obédience pascalienne m'a raconté un jour qu'il avait pris l'habitude, pour s'endormir, de calculer des taux d'intérêt composés. Soit 1 euro déposé sur un compte avec un rendement de 5%, à quel moment ma somme double, triple, etc. Cela avait très vite tourné à l'obsession et presque à la folie. Il avait même dû entamer une psychanalyse pour guérir de son obsession mathématique. De fait, je crois que je suis moi aussi une personnalité à risque. Il m'est arrivé, pour m'endormir, d'essayer de me souvenir de plus de 100 personnages de la recherche du temps perdu, et je revois, arrivé autour de 90, l'inexplicable masse noire qui s'est soudain mise à fondre sur moi, littéralement, la masse noire de la folie mathématique, la peur de l'infini peut-être. Mais vous n'étiez même pas arrivé à 100 personnages. Oui, mais 100 pour un cerveau non préparé, c'est déjà gigantesque, demandé à un enfant. En tout cas, j'évite depuis de penser trop souvent à Proust, mais j'ai découvert récemment que je m'étais mis à recompter dans mon demi-sommeil. Enfin, pas vraiment à compter, plutôt à visualiser des situations comptables idéales. Comment ça ? Alors, je sortais d'un week-end entre amis et l'un de nous avait téléchargé une application pour résoudre l'épisode épineux des comptes. Vous savez, ces choses qui finissent par donner des engueulades à la Claude Sautet entre celui qui n'a pas mangé de gigot et celui qui n'a pas bu de vin. L'amitié qui tourne soudain, presque mécaniquement, à l'enfer. Il se trouve que cette application nous a un peu sauvé la vie. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de sujet de dispute et que tout a été résolu. Néanmoins, la transformation instantanée de notre week-end en marché idéal m'a ravi. Je ne devais plus que 30 euros à une amie. Tout était résolu dans un grand troc général. L'argent, comme problème, avait presque disparu entre nous. Je me suis souvenu alors, c'est d'ailleurs l'un des grands sujets d'étude de mon philosophe pascalien, comment l'économie était apparue en tant que science au XVIIIe siècle, comme une sous-catégorie de l'éthique. Ou bien, pour le dire autrement, l'apparition de l'économie est contemporaine du moment où notre civilisation serait devenue si raffinée que les mots auraient soudain un peu manqué pour bien cerner les différentes situations morales dans lesquelles les hommes se seraient retrouvés pris. Et de l'économie morale, on serait passé à l'économie mathématique. Elle est là, peut-être, plus que dans la révolution industrielle, plus que dans l'apparition du capitalisme, la vraie bascule civilisationnelle. J'en étais là de mes réflexions quand un chien a aboyé dans ma cage d'escalier. Nouvelle situation économique idéale, nouvelle expérience de pensée. Quelqu'un avait-il pensé à louer son chien pendant le confinement quand se balader dans la rue a soudain acquis une valeur marchande potentielle? On sent que la gratuité vous angoisse, Aurélien. Bien sûr, parce qu'on connaît l'adage. Si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. La rationalité économique a ceci de diabolique qu'une fois enclenchée, elle n'est plus capable d'imaginer qu'on lui échappe. L'aboiement du chien faisait bien, dans l'escalier, un bruit de pièces d'or. Et tout le paradoxe est là. Pensée initialement pour compléter la morale, pour sauver nos week-ends entre amis, l'économie aurait fini par se retourner contre la morale, par lui dénier tout caractère explicatif. Tout ne serait plus que calcul égoïste. Et donc, parce qu'ils n'aimeraient pas compter, les philosophes moraux auraient perdu la partie. Alors, à moins de les relire, rétrospectivement, ces moralistes, comme des économistes seulement un peu pudiques sur la question des chiffres, les maximes de La Rochefoucauld ne sont ainsi qu'un gigantesque traité de calcul des intérêts, on dirait le compte-rendu détaillé de mon dernier week-end entre amis sur une application de comptabilité. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci, un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui continue à préparer cette émission chaque jour, même en confinement. Avril Poignant-Legoff a préparé cette émission en compagnie de Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mesnin-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic est à la réalisation cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série. Série confinée avec Bachelard, demain on sera en compagnie de Jean-Philippe Pierron. On se demandera si on peut rêver pour s'échapper ou pour résister. La réponse de Bachelard depuis chez lui pour l'invité et pour Bachelard, ce sera demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Télécharger l'application Radio France aussi qui vous permet d'écouter les émissions de toute la maison de la radio, de toutes les chaînes, en direct ou bien en téléchargement. Et rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.